Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 94. De l'intelligence du premier homme. Adam voyait-il l'essence divine et l'essence des anges? Que savait-il? Pouvait-il être trompé? 1. Le premier homme voyait-il Dieu par essence? Le premier homme n'a pas vu Dieu dans son essence. S'il l'avait vu de la sorte, il n'aurait pas plus péché que les cinq qui sont au ciel. L'intelligence de celui qui voit l'essence divine est, par rapport à elle, comme l'homme est par rapport au bonheur, dont aucun de nous ne se détourne par sa volonté. Adam, cependant, connaissait Dieu d'une manière plus élevée que nous. Il le voyait par certaines images intelligibles plutôt que dans les effets sensibles et corporels. L'état de droiture où il avait été créé favorisait en lui la contemplation pure et ferme des plus hautes vérités, qu'il percevait par irradiation naturelle ou surnaturelle de la première vérité. C'est ce qui fait dire à saint Augustin, « Dieu parlait à nos premiers parents, avant leur chute, comme il parle avec les anges, qu'il illumine des rayons de la vérité suprême. » 2. Adam a-t-il vu les anges par essence? L'âme d'Adam était de la même nature que la nôtre, elle ne pouvait voir les anges dans leur essence. Sans doute, elle en avait une connaissance plus parfaite que nous, par la raison même qu'elle connaissait les choses intelligibles plus clairement et d'une manière plus sûre. Mais, destinée à régir et à perfectionner le corps, elle ne pouvait échapper aux lois de notre nature, qui a besoin d'images sensibles pour connaître. Aucune image ne montre les anges dans leur essence. 3. Adam possédait-il la science de toutes choses? Il est écrit que l'homme imposa lui-même le nom aux animaux. Genèse 2. Le nom doit convenir à la nature des êtres. Adam connaissait donc celle de tous les animaux, et, pour la même raison, il possédait la science de toutes les autres choses. Les êtres primitivement établis par Dieu devant non seulement exister eux-mêmes, mais encore être le principe des autres, il fallait que Dieu les créât à l'état de perfection. Le premier homme, qui fut établi dans un état parfait quant au corps, dut aussi recevoir un état parfait quant à l'âme, pour instruire et gouverner les autres, car nul ne peut en instruire un autre s'il n'a lui-même la science. Adam eut la connaissance de toutes les choses qui doivent être reçues des hommes d'après les lois de notre nature. Note. Les connaissances de notre premier père furent celles qui sont virtuellement renfermées dans les premiers principes, mais les connaissances naturelles ne lui suffisant pas pour diriger sa propre vie et celle des autres, puisqu'il était destiné à une fin surnaturelle, il dut connaître certaines vérités de la foi nécessaires à sa conduite dans l'état d'innocence. Pour les autres vérités supérieures à la lumière naturelle ou inutiles à la direction de la vie humaine, il ne les connaissait pas. Il ignorait, par exemple, les pensées du cœur humain, l'avenir, et mille autres choses particulières. Fin de la note. 4. L'homme, dans l'état primitif, aurait-il pu être trompé? Prendre le faux pour le vrai, dit saint Augustin, c'est le châtiment de l'homme déchu. Et, en effet, si la vérité est le bien de l'intelligence, la fausseté en est évidemment le mal. Quoique l'intelligence d'Adam fût privée de certaines connaissances, elle ne pouvait néanmoins renfermer aucune fausseté, l'intégrité de l'état d'innocence n'admettant le mal ni pour l'âme, ni pour le corps. La droiture de ce premier état en est une autre preuve, car, tant que l'âme fut soumise à Dieu, les puissances inférieures étaient soumises à l'âme. Il a été dit plus haut que l'intelligence ne saurait être fausse touchant son objet propre. Libre de toute entrave, celle d'Adam ne pouvait, dans l'état d'innocence, être trompée, ni sur ce qu'elle savait, ni sur ce qu'elle ignorait. Note. Ève n'aurait pas ajouté foi à la parole du serpent si l'amour de sa propre excellence et une pensée de présomption n'avaient déjà pénétré dans son âme. La séduction, qui précéda le péché extérieur, avait été précédée elle-même par le péché d'orgueil. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.